إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est au cours numéro 30 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, al-Arba'un al-Nawawiyya. Et on est arrivé au hadith 23, al-Thalith ou al-Ashroun. Cheikh, l'imam al-Nawawi, il dit, An Abi Malikin al-Harith ibn Asim al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, At-tuhuru shatrul iman, walhamdulillahi tamla'u al-mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an, aw tamla'u, ما بين السماء وما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. C'est un hadith qui rapporté selon Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari رضي الله عنه qui est un parmi les Sahaba. Et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la pureté est la moitié de la foi et que alhamdulillah elle remplit la balance et que subhanallah et alhamdulillah ces deux paroles là elles remplissent ce qu'il y a entre les cieux et la terre et la prière est une lumière, la salat est une lumière, la sadaqa, l'aumône c'est une preuve. C'est une charité, la charité c'est une preuve. As-sabru diya, la patience c'est une clarté, c'est une lumière. Et al-Qur'an hujjatun laka aw alayk, ça veut dire que le Qur'an c'est soit une preuve pour ou contre toi. Et ensuite le professeur me dit kullun nas yahdou, chaque personne se lève le matin, il sort de chez lui. C'est comme s'il se vend lui-même, soit il se libère, ou bien soit il s'amène à sa perte. Soit il se libère lui-même, il s'est libéré de son châtiment, ou bien il s'amène à sa perte. Ça c'est rapporté par Muslim. Donc on va lire maintenant comment le Cheikh Al-Fawzan a expliqué ce hadith-là, chaque phrase de ce hadith. Il l'explique en détail. لشيخ هذا حديث شيخ الفوزان هذا حديث عظيم فيه بيان كثرة خصال الخير وأعمال الخير وأعمال البر. قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء أي التطهر، مصدر من طهر يتطهر، ومعناه التطهر من الحدث والنجس. أما الطهور بفتح الطاء فهو مادة التطهير وهي الماء أو التراب عند فقد الماء، هذا يسمى الطهور. والتطهر نوعان، تطهر حسي من الأحداث والنجاسة بالماء، وتطهر معنوي من الذنوب والمعاصي والسيئات. Donc le cheikh explique, il dit que ce hadith-là, c'est un grand hadith qui réunit toutes les différentes caractéristiques du bien et des bonnes œuvres qu'on peut faire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit premièrement que la pureté, c'est la moitié de la foi. Et at-tuhur, on peut dire en arabe tuhur et on peut dire tahur. Les deux ont une signification différente. Tuhur, avec le dhamma, sur le ta, ça vient de le fait de se purifier, okay? C'est-à-dire de se purifier de toute impureté abstraite ou concrète, okay? Les impuretés abstraites, yani, comme on va le voir dans l'exemple que Cheikh donne, comme par exemple l'impureté abstraite quand on est dans un état d'impureté. Par exemple, quand on a un gaz, par exemple, on a un gaz, on n'a pas vraiment rien d'impureté qui est sur nous, sauf qu'on est dans un état d'impureté, même si on n'a pas eu d'impureté nécessairement qui est sortie de nous. Donc, ça c'est un exemple. Ou bien, une impureté qui est concrète, lorsque on a été aux toilettes ou des choses comme ça, ou bien quelqu'un qui a eu des rapports sexuels ou une femme qui est en état d'impureté à cause de ses règles ou des choses comme ça. Ça, c'est une impureté concrète, physique, matérielle. Ok. Amma at-tahur. At-tahur, avec le ta, avec le fatha sur le ta, ça, c'est-à-dire la chose qui nous purifie. La chose qui est purifiante en elle-même, qui est pure et qui est purifiante. At-tahur, c'est ça. D'accord? Donc, l'eau, par exemple. Ou bien, lorsque quelqu'un n'a pas d'eau, il utilise la terre pour faire le tayammum. Dans ce cas-là, on peut dire que ça, c'est at-tahur. Quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'eau, de la mer, il a dit, huwa at-tahur ma'uhu al-hillu baytatuhu. C'est-à-dire, elle est purifiante, cette eau-là. L'eau de la mer, elle est purifiante. Tu peux l'utiliser pour faire le wudu, même si elle est salée. Ou al-hillu maytatuhu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est mort dedans, t'as le droit de le manger. Parce que c'est des poissons. Les poissons, tout ce qui est dans la mer, t'as le droit de manger, même s'il est mort, même s'il n'a pas été égorgé, au nom d'Allah. Ok, c'est pas comme les animaux qui vivent sur la terre. Après, le cheikh, il dit, donc ça on l'appelle at-tahur, et il dit que la pureté, elle est de deux caractéristiques, elle est de deux catégories, si on veut. La pureté qui est concrète, c'est celle qui est du fait d'être dans l'état d'impureté, et qu'on purifie avec l'eau. Ça c'est de se purifier avec de l'eau. Des impuretés concrètes et des impuretés qui sont sur nous-mêmes par rapport à des raisons qu'on a eues, qui sont des choses qui nous font devenir impurs. On appelle ça en arabe al-hadath. Al-hadath, c'est d'être en état d'impureté. Puis il y a l'impureté majeure et l'impureté mineure. Puis al-hadath, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas nécessairement quelque chose de concret, de physique. Ça peut être un état qui est abstrait aussi, quelque chose qui n'est pas nécessairement physique sur nous, qu'on ne peut pas le voir. Si tu regardes une personne qui est impure, une personne qui est pure, tu ne peux pas distinguer physiquement entre les deux. Parce qu'il n'y a rien qui les distingue. Elle ne change pas de couleur à la personne. Elle devient impure. Sauf que elle est quand même dans un état d'impureté. Une impureté symbolique ou une impureté, disons, abstraite, dans le sens que c'est l'impureté des péchés, des désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu désobéis à Allah, ça c'est des formes d'impureté, les péchés aussi, les mauvaises actions, les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, shatrul iman, yani nisful iman, wa qila al muradu bi tuhur. بالطهور هنا الطهور الحسي وهو الطهارة من الأحداث والأنجاس فإذا تطهر الطهارة الحسية حصل على نصف الإيمان لأن الطهارة الحسية شرط لصحة الصلاة. الشيخ الذي البروفيسور صلى الله عليه وسلم la pureté c'est la moitié de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y en a des savants qui ont dit que c'est dans le sens que c'est dans la moitié de la foi. Dans le mot chapre, ça veut dire moitié. Okay. Chapre, c'est comme nus, c'est la même chose. Exact. Donc, chapre, c'est la moitié de la foi. Puis, qu'est-ce qu'on dit à tohur? Qu'est-ce qu'on veut dire par tohur? On parle de l'impureté, comme on a dit tout à l'heure, qui est l'impureté dans les choses qui nous rendent impurs. Et on le sait, on l'a expliqué déjà dans des cours de fiqh par rapport à qu'est-ce qui nous rend impurs, comme quand on va aux toilettes, tout ce qui sort par les deux voies, également le sommeil, ou bien le fait d'avoir un gaz, ou bien le fait de, par exemple, de tomber sans connaissance. En tout cas, il y a des choses comme ça. Puis également les rapports sexuels ou les règles ou des choses comme ça. Donc, lorsque la personne se purifie réellement avec de l'eau ou bien avec... se purifie avec de l'eau avec de la terre si elle n'a pas d'eau, eh bien ça c'est la pureté concrète. Le fait de se purifier de façon physique, de façon concrète. Et donc, certains savants ont dit que c'est de ça qu'on parle ici dans ce hadith-là, de se purifier concrètement pour compléter les conditions de la validité de la prière. Pour compléter les conditions de la validité de la prière. وقيل المراد بالطهور أو بالطهور المراد بالطهور الطهور المعنوي والظاهر والله أعلم أنه شامل للطهورين فلا يكفي الطهور الحسي ولا يكفي الطهور المعنوي فالذي يتطهر الطهارة الحسية المأمور بها شرعا والطهارة المعنوية من الذنوب والمعاصي حصل على نصف الإيمان وبقي في حقه النصف الثاني هو العمل لأن الإيمان كما سبق بيانه قول وعمل واعتقاد. الشيخ الذي كيسكم في ذلك السيبع الطهور أنا دوت سابعا كيو ديك سي la pureté يعني abstrait dans le sens de s'écarter des péchés, des désobéissances, des choses haram et des choses comme ça. Mais le cheikh dit qu'est-ce qui est plus apparent que ces deux positions-là, c'est de les réunir ensemble en fait, de dire que les deux purifications abstraites et concrètes sont voulues dans ce hadith-là. Et donc c'est pas suffisant juste d'avoir la purification concrète, de se purifier avec de l'eau, le corps et tout, pour être pur. Il faut également se purifier intérieurement aussi, par rapport aux impuretés de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui s'est purifié concrètement avec de l'eau, qui a fait son wudu, qui a fait son ghusl, qui s'est purifié des impuretés, les physiques et autres, eh bien, dans ce cas-là, c'est pas suffisant. Il faut également qu'il se purifie en s'écartant des péchés, puis en se repentant de ces péchés-là. Et donc, lorsqu'il a accompli toute cette signification-là pour la purification, eh bien, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il a complété la moitié de la foi. Okay? Puis, il lui reste l'autre moitié de la foi, c'est l'action. L'autre moitié de la foi, c'est l'action, l'application. Parce que la foi, comme on l'a expliqué déjà dans plusieurs cours, c'est composé de la parole, de l'action et de la croyance. قول وعمل واعتقاد. La foi c'est ça. قول, عمل, اعتقاد. La parole, l'action et la croyance. S'il manque une de ceux-là, c'est pas une foi qui est complète. C'est pas une vraie foi. قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. الحمد الثناء على المنعم. وهي كلمة إذا قالها الإنسان فإنها تملأ الميزان. أو تملأ ميزان الأعمال يوم القيامة لأن الحسنات والسيئات توزن يوم القيامة في الموازين وهي كلمة واحدة ينبغي على العبد أن يقولها بصدق ويثني على الله بصدق ويقيد النعم بالشكر ويصرفها في طاعة الله فليس الحمد لله باللسان فقط بل الحمد باللسان والعمل أيضا Le chef, il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, il dit dans le hadith que, yani, alhamdulillah, il remplit la balance. C'est-à-dire de faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, de dire louange à Allah, ça, ça remplit la balance. Et dans la langue arabe, alhamd, ça signifie quoi? Ça signifie de faire les éloges de celui qui t'a fait une grâce. De faire les éloges de celui qui t'a fait une grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mentionnes ses qualités et tu mentionnes le bien qu'il a, hein, et le bien qu'il fait. Donc c'est comme, en fait, c'est de lui faire des éloges et de le glorifier. Et lorsque un être humain dit Alhamdulillah, eh bien ça remplit sa balance de bonnes œuvres au jour de la résurrection. Parce que au jour de la résurrection, il y aura des balances qui vont être établies, qui vont peser les actions qu'on fait, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Et donc, cette parole qu'on dit, Alhamdulillah, c'est important de le dire avec sincérité et de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Et également, disons, d'accrocher chaque grâce que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait, par le fait d'en être reconnaissant, hein, de reconnaître et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce-là qu'il nous a fait, et de dépenser cette grâce dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque grâce qu'Allah nous fait, de dépenser cette grâce-là dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que sinon, si lorsque Allah subhanahu wa ta'ala te fait une grâce, toi tu l'utilises dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient quoi dans ce cas-là? Ça devient de l'ingratitude. Ça devient de l'ingratitude parce que Allah il te donne quelque chose, toi au lieu de l'utiliser pour l'obéir et pour faire le bien, pour faire ce qu'il te demande, toi tu le dépenses, cette grâce, pour désobéir à ton Créateur. Donc ça c'est une leçon pour chacun de nous. Chacun d'entre les êtres humains sur la terre, même les koufars, ils doivent réfléchir à ça, parce que même les non-croyants, peu importe qu'ils l'admettent ou qu'ils ne l'admettent pas, ils sont créés par Allah. Et peu importe qu'ils l'admettent ou qu'ils ne l'admettent pas, mais ils ont un plein de grâce d'Allah. La vue, l'ouïe, le cœur, les membres, toutes les choses que Allah leur donne, l'air pour respirer, la lumière pour voir, toutes ces choses-là qu'Allah leur donne, et eux, ils se lèvent le matin et ils se couchent le soir, des années comme ça, jour après jour, sans jamais réaliser qu'ils doivent reconnaître ces grâces-là d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils doivent remercier Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement avec la bouche, mais également par leur obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est quelque chose de très important, puis c'est quelque chose qui nous aide à toujours vouloir faire des efforts. C'est quelque chose qui nous aide à toujours être en train de faire des efforts pour essayer de parfaire notre adoration, puis d'être des meilleurs serviteurs d'Allah. Parce que chaque fois que tu vas te rappeler de tout ce qu'Allah a fait pour toi, et de tout ce qu'il t'a donné, et de tout ce qu'il donne à la création, eh bien, ça t'aide à vouloir faire des efforts pour en faire plus pour lui. Hein? Regardez l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha radiallahu anha, elle voyait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait dans la prière la nuit, et il priait jusqu'à ce que ses pieds craquent des fois, hein, tellement qu'il restait debout dans la prière la nuit. Et Aïcha radiallahu anha, elle disait, ô messager d'Allah, yani, tu fais cette adoration-là alors que yani, tes péchés passés et futurs sont déjà pardonnés. Hein? Et le professeur m'a répondu, est-ce que je ne veux pas être un serviteur reconnaissant, hein? Donc ça c'est des exemples qui nous aident à faire plus d'efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Parce qu'il y a des kuffars, Allah musta'an, ils sont ingrats franchement, hein? Ils sont tellement ingrats, ils disent des paroles tellement graves quand on leur parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tellement grave, Allah musta'an. الشيخ الذي وقال صلى الله عليه وسلم donc le cheikh il dit tu dois dépenser les grâces d'Allah dans le bien, dans l'obéissance d'Allah, et c'est pas juste avec la langue que tu dois le faire, mais c'est aussi par tes actions. Comme par exemple tu vois des gens, par exemple, ils marchent sur la terre. Ils marchent sur la terre, dans la rue, partout. Et ils marchent sur la terre, ils désobéissent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme si c'était, comme si ils s'imaginent, je suis chez moi, je fais ce que je veux sur la terre. Cette terre, elle appartient à Allah. Comment tu peux marcher sur la terre d'Allah, puis tu désobéis à Allah? Comment tu peux marcher sur la terre d'Allah, puis tu fais tes propres lois pour rendre légal ce qu'Allah interdit? Hein? Puis pour te permettre de faire le désordre sur la terre. Ça, c'est pas logique pour quelqu'un qui a un peu de raison dans sa tête. Hein? Qui dit, je vais désobéir à Allah, et je marche sur la terre d'Allah. Crée Allah. Hein? Donc, c'est ça les exemples. C'est ça les exemples. Des gens qui font pas la salat, des gens qui font pas le, qui adorent pas leur créateur comme il faut, et Allah leur donne toutes les grâces. Toutes les grâces. Et eux, ils restent indifférents et insouciants. Ils voient chaque jour le soleil se lever sur eux, et puis ils disent même pas, subhanallah, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas le soleil? Hein? Et remercie pas Allah, subhanahu wa ta'ala, pour ça. قال صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض كلمتان سبحان الله معناها تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به تنزيهه عن الشركاء وتنزيهه عن النقائص والعيوب والحمد لله كما سبق ثناء على الله جل وعلا تملأان أو تملأ كلمة الواحدة تملأ ما بين السماء والأرض ومعلوم ما بين السماء والأرض من الفضاء الواسع وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقال هل تدرون كم بين السماء والأرض قال قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى السماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة فهاتان الكلمتان إذا قالها أو إذا قالهما الإنسان بصدق ونية خالصة يملأان ما بين السماء والأرض على سعة ما بين السماء والأرض لعظم هاتين الكلمتين لا للفظهما ولكن لمعناهما والعمل بهما فليس المقصود التلفظ باللسان فقط بل لا بد أن يعمل بهما أو أن يعمل بهما سبحان الله الشيخ الزي et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite et de dire سبحان الله et الحمد لله ce sont deux paroles que lorsque tu les dis, hein, lorsque tu les appliques, elles remplissent tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est entre les cieux et la terre. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne les deux choses. Il dit tamla'an ou tamla'u. Donc, c'est-à-dire que, soit que ces deux paroles-là, elles remplissent qu'est-ce qui est entre les cieux et la terre, ou bien chacune de ces paroles-là, toute seule, elle remplit ce qui est entre les cieux et la terre. Le cheikh explique ça, il dit Subhanallah, ça veut dire quoi? On a expliqué Alhamdulillah, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Subhanallah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu purifies Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui ne lui convient pas. Dans le sens que tu le purifies de toute forme de partenaire. Tu le purifies de toute forme d'imperfection. Tu le purifies de toutes sortes de défauts. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le parfait. Donc quand tu dis subhanallah, c'est comme si tu disais que Dieu soit purifié de toute imperfection, de toute défaut, de toute faiblesse, de toute chose qui ne lui convient pas, comme des associés ou des partenaires ou des choses comme ça. Et Alhamdulillah, on a expliqué déjà, c'est de faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le glorifier. Et donc, quand tu dis tamla'an, tamla'u, yani, soit qu'une de ces deux paroles-là, elle remplit ce qui est entre les cieux et la terre, ou bien les deux ensemble, elles remplissent ce qui est entre les cieux et la terre. Et on sait l'immensité de ce qui existe, yani, comme espace entre les cieux et la terre. Yani c'est très très vaste, hein. L'univers c'est vaste, hein. Et on sait même pas la distance, nous, en tant qu'êtres humains, yani quand on regarde avec nos yeux, on peut pas savoir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux sahaba, est-ce que vous savez quelle est la distance qu'il y a entre les cieux et la terre? Et ils ont dit, Allah et son messager savent mieux. Il a répondu, entre les cieux et la terre, il y a la distance comparable à 500 ans. Et entre chaque cieux, hein, entre d'un ciel à un autre ciel, il y a la distance de 500 années de marche, hein, entre chaque ciel. Allahu a'lam. C'est parce que dans le hadith, qu'est-ce qui est marqué dans le hadith? La distance entre les cieux et la terre, c'est 500 ans. Après, entre chaque ciel, d'un ciel à un autre, hein, entre tout ciel et l'autre, il y a 500 ans. D'accord? Et donc l'épaisseur de chaque ciel, ou la largeur de chacun de ces cieux-là, elle est de 500 ans. Donc ça veut dire que yani c'est immense, on peut même pas imaginer. Hein. Combien d'années qu'on vit? Un être humain, il vit combien d'années? Yani, 60, et il y en a qui arrivent à 100 maximum, yani dans les 100 ils dépassent pas. Oui, c'est Sahih qui dit que la vie de Mahoma c'est environ vers 60 ans. Pourquoi? Parce que c'est la moyenne, c'est l'âge moyenne de la vie des gens de la Umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui doit vivre jusqu'à 60 ans. Il y en a qui peuvent vivre plus vieux, hein. Mais c'est en moyenne. Après, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire que si tu marchais toute ta vie, hein, si tu marchais toute ta vie pendant 100 ans, on va dire, tu vis jusqu'à 100 ans, si tu marchais pendant 100 ans, il faudrait que tu marches encore 4 fois encore 100 ans pour arriver à connaître la distance. Donc t'imagines si tu partais à marcher là, depuis que tu commences à naître, tu marches toute ta vie sans arrêt, sans dormir, sans manger, sans rien, et puis que tu marches en ligne droite comme ça, tu continues à marcher pendant 400 ans, 500 ans comme ça, et là tu pouvais imaginer c'est quoi cette distance. On peut pas imaginer, toi, c'est tellement grand. Donc ça c'est la distance qu'il y a entre les cieux et la terre, et entre chacun des autres cieux qui est par-dessus, qu'on ne voit même pas, nous. Parce que qu'est-ce qu'on voit à la nuit, là? Le ciel qu'on voit à la nuit, le noir, c'est le premier ciel seulement. Il y en a 7 encore en haut. Donc on ne sait même pas la distance. Hein? Et le cheikh, il dit, donc, cette parole-là qu'on dit, subhanallah, alhamdulillah, eh bien, elle remplit tout ce qui est entre les cieux et la terre. Et ça, c'est lorsqu'on l'a dit avec sincérité, avec une intention qui est pure, hein, eh bien, ça remplit les cieux et ce qui est entre les cieux et la terre. À cause, le cheikh, il dit, c'est pas à cause de la grosseur du mot lui-même, dans le sens que le mot lui-même, quand tu le prononces, subhanallah, alhamdulillah, c'est tout petit. Mais, dans leur signification, hein, de ces mots-là, eh bien, et dans leur signification, il y a une grande signification qui remplit les cieux et la terre, et également dans le fait d'agir selon ces paroles-là. Et donc, le but, c'est pas juste de le dire avec la langue, mais c'est de le dire également, dans le sens que tu comprends sa signification dans ton cœur, et également d'appliquer et d'agir selon leur signification. نعم Oui, parce que, alhamdoulilah, c'est que tu fais tu donnes la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il n'y a pas de moment spécifique dans le sens que, alhamdoulilah, c'est pour tout, toute chose que Allah te donne, de bien ou de mal. Tu dis alhamdoulilah, même pour le mal. Parce que, quand tu dis, par exemple, alhamdoulilah, pour quelque chose qui t'arrive de mal, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça pourrait être pire que ça, hein. Et ça peut t'amener un bien aussi. Donc, le croyant, tout ce qu'il lui arrive, de bien ou de mal, c'est un bien pour lui. Parce que ça efface ses péchés aussi quand il arrive un mal, quelque chose comme ça. Hein? Alhamdulillah. Sauf quand tu fais un péché, tu dis pas, le fait que tu as fait un péché, tu dis pas, alhamdulillah. Parce que là, c'est pas quelque chose qui t'arrive en dehors de ta volonté, toi. Quelque chose que tu choisis. Et donc, dans ce cas-là, tu es responsable du mal que tu as fait. Et tu dis, astaghfirullah. Dans ce cas-là, astaghfirullah. Mais sinon, subhanallah, c'est dans tout ce qui amène ton éblouissement. Quand tu es ébloui par quelque chose d'Allah, que Allah a créé, tu vois que c'est grand, tu vois que c'est beau, tu vois que c'est surprenant, tu vois que c'est quelque chose de merveilleux, tu dis, subhanallah. Pour dire, waouh, c'est comme si tu es étonné et tu es ébloui. Tu dis, comme Allah a bien créé les choses. Comme Allah, il a bien fait ces choses-là. Comme il est parfait. Comme il est exempt de toute imperfection, de toute faiblesse, de toute mauvaise qualité que les êtres humains peuvent posséder. Il est au-dessus de tout. Il est le parfait, le plus grand, toi. Donc c'est ça quand tu dis, subhanallah, c'est ça que ça veut dire. Ok. Et, ensuite le cheikh dit وقال والصلاة نور الصلاة المفروضة من والنافلة نور في الوجه فتجد المضيعين للصلاة على وجوههم الظلمة والكدرة والعياذ بالله وتجد المحافظين على الصلوات والمتهجدين في الليل على وجوههم الضياء والنور والبشاشة وهذا شيء واضح للناس إذا تأملته فالصلاة نور لك في وجهك ونور لك على الصراط ونور لك في سلوكك وحياتك قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فالصلاة أمرها عظيم. Le cheikh il dit que la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la salat c'est une lumière. C'est une lumière. Et la salat, on parle de la salat qui est obligatoire et la salat aussi qui est surérogatoire, qui n'est pas obligatoire, que tu fais surplus. C'est une lumière dans le visage. Et il dit que si tu remarques les gens qui négligent la prière ou qui ne font pas leur prière, tu vois tu vois dans leur visage des ténèbres, tu vois une obscurité dans leur visage, une noirceur, wal'iyadu billah. Et tandis que tu vois que ceux qui préservent la prière et qui la gardent, eh bien tu vois que yani, ceux qui prient régulièrement leur prière obligatoire et qui prient la nuit aussi, il y a comme une sorte de clarté, de lumière, tu vois qu'ils ont quelque chose de joyeux dans le visage, hein? Hein? Oui, quelque chose d'illuminé dans le visage, comme, tu vois qu'ils sont, heureux dans leur visage. Et donc, c'est quelque chose de clair si tu l'observes bien comme il faut, et également, non seulement que c'est une lumière dans ton visage, ce sera aussi une lumière pour toi au jour de la résurrection. Ce sera une lumière pour toi sur le pont que tu dois traverser. Et les croyants qui font leur wudu, quand ils font leur wudu, ils font la salat, eh ben, ils auront des lumières qui vont sortir devant eux au jour de la résurrection. Puis sur eux aussi. Aux endroits, aux extrémités de là où ils font le wudu. hein, le visage, les bras, les à la limite des bras ici là, en haut des coudes, hein, à ces endroits-là, puis des pieds, ils auront des lumières. Et puis, ça c'est des lumières qu'ils vont avoir au jour de la résurrection. Donc ça c'est des exemples. Puis il y a aussi que c'est une lumière dans ton comportement, dans ta vie, comment tu agis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surah Al-Ankabut, le verset 45, que la prière, la salat, elle te retient de faire les turpitudes et le mal. Hein. Et aussi, il y a dans Surah Al-Baqarah, le verset 45 aussi, ça dit, cherche l'aide dans la salat, hein, et dans la patience et dans la salat. Et certes, c'est quelque chose de lourd, quelque chose de difficile, excepté pour les humbles. Donc, c'est très grand la salat, c'est quelque chose de très important. Ensuite, le shaykh dit, وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانَ الصَّدَقَةُ بُرْهَانَ الصَّدَقَةُ هِيَ إِخْرَاجُ الْمَالِ فِي طَعْتُ اللَّهِ وَقَوْلُهُ بُرْهَانَ أي دليل على صحة الإيمان لأنه لا يجود بالمال مع حبه له إلا من في قلبه إيمان وإلا فالمال محبب إلى النفس والنفس شحيحة فإذا قدمه الإنسان في طاعة الله فهذا برهان على إيمانه حيث رخص عنده المال في طاعة الله عز وجل أما المنافق فهو يتصدق بل يقبض يديه عن الصدقة قال تعالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون قال ويقبضون أيديهم فالصدقة برهان على الإيمان وقلة الصدقة أو عدمها دليل على النفاق كما وصف الله المنافقين بذلك لشيخ الفكر لا صدقة le monde, la charité, la zakat, ces choses-là que tu donnes, sadaqa, c'est de faire sortir l'argent que tu possèdes dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien ça c'est une preuve, c'est une burhan, c'est une preuve évidente, c'est une preuve de la validité de ta foi, parce que lorsque quelqu'un est généreux dans ses biens, malgré qu'il aime ses biens, il le donne, eh bien, c'est la preuve que il le donne uniquement parce que dans son cœur il y a de la foi. Sinon, il le donnerait pas parce que tout le monde aime les biens. Tout le monde aime les biens qu'il possède. Et personne ne veut s'en séparer. L'âme, elle est avare. L'âme, elle est un peu, comment on dit, avare. Ou bien on dit aussi, elle est un peu chiche, Oui, c'est ça, shahiha. L'âme, elle n'aime pas partager, tu vois, elle n'aime pas donner. Elle aime garder tout. Alors, lorsque l'être humain donne de ses biens pour Allah subhanahu wa ta'ala, en obéissance à Allah, ça c'est la preuve que cette personne-là, elle a de la foi dans son cœur. Et donc, du fait qu'elle donne de ses biens dans l'obéissance d'Allah. Tandis que l'hypocrite, il ne donne pas de sadaqa. Le cheikh dit, l'hypocrite, il ne donne pas de sadaqa. Il ferme sa main. Il retient sa main de donner la sadaqa. Comme Allah il dit dans le verset 54, dans surat al-Tawbah, وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ Ils ne donnent pas de leurs biens, excepté qu'ils détestent le faire. Ou bien, ils le font par contrainte, ils le font pas parce qu'ils veulent vraiment le faire, ils détestent donner en sadaqa. Aussi dans le verset 67 dans surat al-Tawbah, وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ils referment leurs mains, ils retiennent leurs mains, ils ne donnent pas en sadaqa. Donc un sadaqa c'est une preuve de la foi, et le fait que quelqu'un donne peu de sadaqa, c'est une preuve qu'il a soit une foi très faible, ou bien qui n'a pas de foi du tout. C'est une preuve de son hypocrisie. S'il donne peu, ou s'il ne donne pas du tout, c'est une preuve de son hypocrisie, comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les munafiqin dans ce verset-là. Le Cheikh dit, wa qala, sallallahu alayhi wa sallam, as-sabru diya, as-sabru huwa habsun nafs ala ta'atillahi wa huwa thalathatu aqsam. الأول صبر على طاعة الله فالواجب على العبد ملازمة الطاعة ولو شقت على نفسه لأن الطاعة ليست سهلة فالذي يصلي كل يوم خمس مرات ويقوم من الليل يحتاج إلى صبر والذي ينفق الأموال يجاهد في سبيل الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله يحتاج إلى صبر على طاعة الله والذي ليس عنده صبر لا يواصل الطاعة فينشط في أول يوم وثاني يوم ثم يتعب ويترك الطاعة ولو كان عنده صبر لا يستمر عليها. الشيخ الزيكر البروفيت صلى الله عليه وسلم أديكر la patience, l'endurance, c'est une lumière, c'est une clarté, hein. C'est-à-dire que as-sabr en arabe, c'est quoi? C'est de se retenir. As-sabr en arabe, c'est de se retenir. Quand on dit l'endurance, quand on dit la patience, en fait c'est ça, c'est de se retenir et de garder son âme et de retenir son âme sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pas qu'on abandonne. Donc le premier, on peut dire que la patience ou l'endurance, elle est divisée en trois catégories. La première catégorie de patience ou de sabr, c'est d'endurer l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'être endurant dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le Cheikh dit que c'est obligatoire aux serviteurs de continuer à adorer. Et ça, c'est même si c'est dur pour toi, tu dois continuer à le faire. Parce que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puis de continuer à l'adorer, c'est lourd, c'est difficile. Donc, étant donné que c'est pas facile, hein, il donne des exemples, le Cheikh. Il dit comme par exemple quelqu'un qui va prier cinq fois par jour et qui va se lever la nuit pour prier. Ça demande la patience, ça demande l'endurance. Celui qui donne de son argent, celui qui fait le jihad fi sabilillah, hein, celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Celui qui invite les gens à Allah, il a besoin d'être endurant dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas de patience, celui qui n'a pas d'endurance, il ne va pas être capable de continuer. Il va commencer peut-être un jour, deux jours, puis il va se fatiguer, puis il va laisser tomber. Il va dire, ah ça y est, moi j'en ai marre là, je suis fatigué, hein, j'arrête. Alhamdulillah, hein, c'est vrai. Donc, le Cheikh il dit, t'as besoin de sabr pour rester sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. الثاني صبر على محارم الله لا شك أن النفس أمارة بالسوء. Il y a des gens qui pensent que ça c'est pas normal de sentir ça. C'est normal et c'est ça la foi, c'est que tu fais des efforts. On est sur la terre pour lutter, c'est une lutte. C'est pas pour rester assis pour dire ah ça y est je suis fatigué j'arrête, hein. Donc, la seule fois que tu peux t'arrêter, c'est quand on va être mort. On va aller au paradis, inshallah, si on a été sincère, on a fait tous les efforts que Allah nous demande. La deuxième catégorie, le Cheikh dit, أَثَّانِي صَبْرٌ عَلَى مَحَارِمِ اللَّهِ لَا شَكَّ أَنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ تُرِيدُ الشَّهَوَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ وَتُرِيدُ أَنْ تُصْبِحْ مِثْلَ الناس. تسايرهم فالمؤمن يصبر ويحبس نفسه عن الحرام ولا يغتر بكثرة الواقعين في الحرام. الشيخ دي le deuxième catégorie de la patience, c'est d'être endurant et d'être patient dans le fait de s'abstenir de ce qui est haram, dans le fait de se retenir de faire ce qui est haram. Tu vois, tu dois te forcer à faire ce qui est halal et à faire ce qui est obligatoire et à faire ce qui est bon, tu te forces. Là, dans l'autre sens, tu te retiens. Hein, parce qu'il y a quelque chose en toi qui te pousse, hein, vers, qui t'attire vers le mal, qui t'attire vers ce qui est haram, qui t'attire vers tes désirs, qui t'attire vers tes passions, hein, qui t'attire vers le haram. Donc, tu te retiens pour pas le faire. Hein. Donc, il y a des choses dans la société qui vont te pousser vers qu'est-ce qui est haram. Hein. La musique, les femmes, tout ce qui peut te tenter. Hein. Toi, tu te retiens de tout ce qui est haram, de ces choses-là. Parce que le cheikh, il dit, on a tous qu'est-ce qu'on appelle al-nafs al-ammarat bis-su, l'âme qui te pousse ou qui t'ordonne de faire ce qui est mauvais. Hein, ça, c'est une des états de l'âme. Hein. Et ça, c'est, tout le monde a ça, excepté celui à qui Allah a fait miséricorde. Donc, cette âme-là, elle veut les désirs, elle veut les choses haram. Et donc, elle te demande d'avoir tout ce que de faire comme tout le monde, et d'être comme tous les autres, et de suivre les gens. Hein. Mais le croyant, lui, il est patient, il est endurant, il se retient de tout ce qui est haram, il ne se laisse pas tromper par la quantité de gens qui font le haram. Il dit, ah mais tout le monde fait ça, pourquoi tu ne le fais pas? Hein. La plupart des êtres humains sont faibles aujourd'hui, hein, en particulier aujourd'hui, même dans le passé aussi, mais aujourd'hui aussi, les gens, on dirait qu'aujourd'hui sont plus faibles qu'avant, dans le sens que quand ils voient des gens faire des choses haram, c'est comme s'ils se disent, ah mais il faut faire comme tout le monde, hein, si tu fais pas comme tout le monde, t'es pas normal, hein, donc c'est de suivre comme des moutons, et ça demande de la patience. صبر على أقدار الله المؤلمة فينبغي للمسلم أن يصبر إذا أصابته مصيبة في ماله أو في نفسه أو في أهله وأقاربه ولا يجزع ولا يتسخط ويرضى ببقاء الله وقدره ويرضى بقضاء الله وقدره ويسلم أمره إلى الله لأنه يعلم أنه ما من شيء يحدث له من خير أو شر إلا بقدر الله إلا بتقدير الله جل وعلا فليس له حيلة فإذا صبر فله أجر وإذا لم يصبر فالمصيبة ماضية ويحرم الأجر فكما أنه يشكر على نعمه عليه أن يصبر عند المصائب. La troisième catégorie d'endurance et de patience, c'est d'être endurant lorsque le musulman doit subir des choses que Allah lui a prédestinées, qui sont douloureuses dans le sens que c'est des choses qui sont déplaisantes, qui sont douloureuses, qui peuvent nous faire mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prédestiné des choses dans notre vie qui nous arrivent, des épreuves, des difficultés, des malheurs. Et donc, le croyant, le musulman, il est endurant lorsque un malheur l'a atteint. Soit un malheur dans son argent, hein, un malheur dans sa personne, hein, des choses que tu calculais même pas. C'est des fois tu te dis, ah, ça y est, j'ai réussi à mettre un petit peu d'argent de côté, là je suis content, machallah, hein, une bonne petite somme d'argent. Tout d'un coup, tu prends une contravention, une étiquette, ou bien tu vas dire, il arrive quelque chose, ils te disent, bon, ça y est, monsieur, vous devez payer telle somme d'argent. Hein. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un dans ma famille, Allah Mustahil, il est arrivé quelque chose, justement, dans la maison, avec de l'eau qui s'est déversée dans le mur, hein, par rapport à une machine à laver. Et ben, l'eau est rentrée dans le mur, ça a fait des dégâts d'eau. Il lui demande de payer 7 000 $, hein, pour payer les dégâts de ça. Donc, là tu dis, ah, là ça y est, j'avais un petit peu d'argent, et là tout d'un coup, maintenant, tout cet argent, je suis obligé de le donner pour payer un truc là, que je veux même pas en profiter, hein. Eh ben, donc ça c'est des épreuves. Allah, il te donne des épreuves dans ton argent. Il te donne des épreuves dans toi-même, il te donne des épreuves dans ta famille, dans tes proches, hein. Des fois c'est tes proches, des fois c'est tes enfants, hein. Ta femme, tes enfants. Donc, hein, là tu te dis, là ça y est, tout va bien. Là tout d'un coup t'entends qu'un de tes enfants, il a une maladie, il doit faire une grosse opération et il faut que tu dépenses une grosse somme d'argent pour le faire traiter et des choses comme ça, hein. Et ben, là, il y a des gens comme ça, il y a des gens, subhanallah, quand ils ont des épreuves comme ça, c'est difficile. Il y en a qui n'arrivent pas à supporter ça, ils se mettent en colère, ils commencent à insulter, à dire des mauvaises paroles, à parler même contre Allah subhanahu wa ta'ala, ou à dire des choses contre le qadar. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui n'a pas une foi hein, en la prédestination. Le croyant, lui, il ne doit pas se mettre en colère, il ne doit pas dire des mauvaises paroles, il doit être satisfait de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son décret, et il se soumet au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il sait qu'il n'y a rien qui se produit dans l'univers, que ce soit du bien ou que ce soit du mal, excepté que c'est par la destinée et la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il n'y a pas d'autre issue. Yani, Allah il a écrit, ça se produit, c'est comme ça. Hein? Donc, si tu es patient et endurant, tu auras la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette patience-là. Mais lorsque ce malheur-là, il tombe sur toi, hein, et que toi, tu n'es pas endurant, eh bien, tu seras, non seulement le malheur va rester, tu vas quand même avoir le malheur, et en plus, tu vas être privé de la récompense d'être patient. Donc, tu es perdant si tu n'es pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, même dans ces moments-là. Donc, tout comme tu vas être reconnaissant pour ses grâces, tu dois être patient lors des malheurs. Ok? Et, hein? Exact. Et c'est ça le succès. وفي قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصبر ضياء. Et la prière est, la salat est une lumière et la patience est une lumière. Hein? L'endurance est une lumière. النور ضياء سواء على النور والضياء سواء ولكن الضياء أشد قال تعالى وجعل الشمس ضياء والقمر نورا ولا شك أن الشمس بحرارتها الشديدة أشد من القمر فالصبر يحمل الإنسان على الاستمرار في الطاعة حيث يضيء له الطريق فإذا نزلت به مشاق أو مكاره فإن الطريق يكون أمامه واضحا لا يلتبس عليه لا يلتبس عليه. Le cheikh il dit que la prière, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière c'est une lumière, il a dit que l'endurance c'est une clarté, et il dit que la lumière et la clarté, al-nur wa al-diya, c'est la même chose en arabe, sauf qu'il y en a un diya qui est plus fort que l'al-nur. Diya, plus fort que Al-Nur. Il dit que, Allah il dit dans le verset 5 dans Surat Yunus, il a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Donc c'est pour dire que le soleil, il n'y a pas de doute que le soleil est plus fort avec sa chaleur et avec sa force que la lune, bien sûr. Donc d'être endurant, ça amène quelqu'un à compléter et à rester dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça lui illumine son chemin, ça éclaire son chemin. Lorsqu'il lui arrive une difficulté ou quelque chose qu'il n'aime pas sur son chemin, hein, eh bien il y aura devant lui une lumière qui lui clarifie les choses et qui enlève les ambiguïtés ou les choses qui ne sont pas claires. La prière c'est une lumière et la patience aussi, ok, c'est une clarté là. قال والقرآن حجة لك أو عليك القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لهداية الناس وبيان الحق من الباطل إن عملت به صار حجة لك عند الله يوم القيامة وإن تركته صار حجة عليك وليس لك عذر في عدم العمل بما جاء في القرآن لأن القرآن جاءك فهو يتلى في المساجد وفي المجالس وفي الإذاعات وأيضا القرآن ميسر لكل من يريد تعلمه وهذا من إقامة الحجة على الناس فلا تزال ترى المصحف ولا تزال تسمع القارئ ولا تزال تقرأ أنت وقد بلغك القرآن فليس لأحد عذر يوم القيامة أن يقول ما علمت وما بلغني شيء قال تعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون فالقرآن حجة لك إن عملت به أو حجة عليك إن تركته ولم تعمل به. الشيخ يقول que le Coran c'est une preuve contre, pour ou contre toi. Le Coran que Allah a fait descendre sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour la guidance de, des hommes et pour clarifier et pour faire en sorte que la vérité et le faux soient clarifiés, hein, si tu l'appliques, ça devient une preuve contre toi, pour toi au jour de la résurrection, c'est-à-dire une preuve en ta faveur, parce que tu l'as appliqué au jour de la résurrection. Mais si tu l'as abandonné, ça devient une preuve contre toi, hein, et tu n'auras pas d'excuse au jour de la résurrection pour ne pas l'avoir appliqué, hein, ou pour pas avoir pratiqué ce qui est dans ce Coran. Parce que le Coran, il est venu pour toi, et donc, il est récité partout, dans les mosquées, dans les assemblées, à la radio. Le Coran, il est facilité maintenant pour tout le monde. Hein, tout le monde a la possibilité de l'apprendre s'il veut. Et ça, ça fait partie de l'établissement de la preuve, que la preuve est établie sur les hommes. Il dit que tu vois toujours le mushaf partout, tu l'entends partout, hein. Maintenant les gens ils le mettent même dans l'internet, partout. Donc ça veut dire que le Coran tu peux l'entendre partout où tu es, et il te parvient, peu importe où tu es. Personne n'a d'excuses au jour de la résurrection pour dire « Non mais moi je savais pas, il n'y a rien, j'ai pas entendu le Coran ». Non, le Coran il t'est parvenu, hein. Et le cheikh il dit dans le verset 66, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 66, et le cheikh il mentionne ce verset-là, dans surat al-mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قد كانت آياتي, mes versets, ils t'étaient récités, hein, et vous tourniez sur vos talons, hein, vous tourniez le dos, hein, à la révélation. Donc c'est pour dire que le Coran ce sera une preuve, soit en ta faveur si tu l'appliques, ou bien contre toi si tu l'as abandonné et si tu ne l'as pas appliqué. وقال ثم قال صلى الله عليه وسلم, et ça c'est un rappel pour nous les musulmans qu'on a appris le Coran puis qu'on fait le contraire, hein. Ça c'est pas correct, ce sera une preuve contre nous au jour de la résurrection. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو الغدو هو الذهاب صباحا من البيوت فالناس يخرجون من البيوت أول النهار أين يذهبون؟ يذهبون إلى أعمالهم إما بيعا وإما شراء وإما وظيفة فليس هناك أحد يجلس في البيت إلا مريض أو النساء أو الرجل. أما الرجل فإنه يخرج ولا يبقى في البيت إلا إذا صار مريضا أو هرما. Le cheikh il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, kul nas yardou. Yardou ça vient de al-ghudou. Et al-ghudou ça veut dire de partir le matin, sortir de la maison le matin. Donc les gens ils sortent de leur maison au début de la journée, le matin, ils partent où? Ils vont où? Ils vont à leur travail. Soit ils vont vendre, soit ils vont acheter, soit ils vont faire un autre travail quelconque, hein. Il y a personne qui reste à la maison, excepté le malade ou la femme, hein. Hein? Ou le chômeur. Mais, attends, à la maison maintenant, même les femmes, elles restent pas, Allah al-Musta'an, dans ces pays-là. Allah al-Musta'an, même si tu regardes le matin, hein, tu vois, hein, comme on parlait hier, justement, tu sors dans le métro, dans l'autobus le matin, qu'est-ce que tu vois, plus d'hommes ou de femmes? Tu vois plus de femmes. Il y a plus de femmes qui sortent de leur maison le matin que d'hommes. Hein? C'est ça qui arrive dans les pays de pauvres comme ça. Hein? Donc le chef, c'est ce qu'il dit. Il dit, hein, les hommes, donc, il dit, ils sortent, ils restent pas à la maison, excepté s'il est malade ou bien qu'il est vieux, il peut pas marcher, il peut pas sortir. وخروج العبد من بيته إما أن يوقعه في الشر وإما أن يوقعه في الخير فإن ذهب إلى طلب العلم أو وإلى فعل الطاعات فإنه يكسب خيرا وإن ذهب إلى المعاصي والسيئات والشرور والفتن فإنه يكسب شرا فهو بغدوه وذهابه من بيته إما أن يذهب إلى الخير وإما أن يذهب إلى شر Donc le cheikh il dit, quand tu sors, quand le serviteur sort de chez lui, soit qu'il va amener son âme vers le mal, ou soit qu'il va l'amener vers le bien. Si tu t'en vas chercher de la science, tu t'en vas faire de l'obéissance à Allah, faire du bien, alors tu vas recueillir du bien. Et si tu pars pour aller faire des désobéissances à Allah, des péchés, des choses mauvaises, des choses de fitna, de tentation, tu vas obtenir que le mal. Donc, quand tu sors le matin, tu sors de la maison, tu t'en vas de chez toi, soit que tu t'en vas vers le bien, ou soit que tu t'en vas vers le mal. فقال, قال صلى الله عليه وسلم, فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فمن الناس من يوفقه الله سبحانه وتعالى, فيعتق نفسه بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والندم ومنهم من يركن إلى المعاصي والشرور والفتن فيوبق نفسه أي يهلكها فالإنسان في خروجه في الصباح إلى أعماله لا يخلو من أحد أمرين إما أن يعتق نفسه وإما أن يوبقها يعني Le cheikh il dit que lorsque tu sors le matin, là, comme on a dit tout à l'heure, c'est comme si en fait, à ce moment-là, c'est comme si tu te vends, soit que tu te libères ou que tu te vends pour ta perte. Hein. Et il y a des gens, Allah leur donne le succès. Et donc, ils se libèrent eux-mêmes en faisant des istighfars, en demandant pardon à Allah, en retournant à Allah en repentance, en revenant à Allah avec les remords d'avoir fait du mal. Tandis qu'il y en a d'autres qui, au contraire, ils se reposent, ils retombent encore plus dans le péché, dans le mal, dans les tentations. Donc il fait périr son âme. Il se fait périr lui-même. Yani yubiquha, c'est-à-dire yuhlikuha. C'est ce que ça veut dire. Il l'amène vers sa perte, vers al-halak, la perte, la perdition. C'est ça qu'il fait lorsqu'il l'amène vers les péchés. فَالْإِنْسَانُ فِي خُرُوجِهِ Lorsque l'être humain sort le matin, le sabah, il s'en va travailler, eh bien, c'est soit une des deux choses suivantes qu'il fait. Soit qu'il va aller se libérer son âme, soit il va aller faire périr son âme. C'est ça les deux choix qu'il a. فعلى المسلم أن يتذكر هذا وأن يتحفظ في خروجه وذهابه فيحفظ سمعه وبصره وجوارحه ليكون ممن أعتق نفسه أما إذا لم يحفظ هذه الجوارح وهذه الأعضاء فإنه يكون ممن أوبق نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Le musulman doit se rappeler de ça, il doit se préserver lui-même lorsqu'il sort de chez lui, lorsqu'il part, il doit préserver son ouïe d'entendre des choses haram, sa vue, de voir des choses haram, et son corps de faire des choses haram pour qu'il arrive à se libérer lui-même, à s'acheter lui-même pour se libérer. Tandis que s'il ne se préserve pas dans son corps et dans ses membres et dans sa vue et dans son ouïe, etc., eh bien, il a fait périr son âme. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Et puis, comme il y a Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il parle de ça des fois dans des livres. Il dit, ton corps, c'est comme un château fort. À l'intérieur, il y a le cœur. Le cœur, c'est le roi. Il faut le protéger. Et les membres, il faut que ça devienne des soldats pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les soldats du roi qui vont protéger ce cœur, protéger ce roi. D'accord? Parce que si le roi il est corrompu, ça reste fini. Hein? Le corps au complet va être pourri. Si le corps, le cœur il est bon, alors le corps il va rester bon. Hein? Il va faire des bonnes œuvres. Donc, il y a des portes dans ce château, il y a des portes. Les portes, c'est les yeux et les oreilles. Hein? C'est par là que rentrent toutes les choses, soit de bien, soit de mal. Donc, tu dois contrôler ce corps, tu dois contrôler les portes pour faire en sorte que tu vas rien laisser rentrer, excepté qu'est-ce qui est le bien. Donc, tu regardes seulement le bien, tu entends seulement le bien. Et il y a une porte aussi qui fait sortir des choses. Il faut que tu sois sûr que tout ce qui sort, c'est seulement le bien. Tu ne sors pas le mal. Donc, c'est ta bouche. Hein, que tu ne vas pas dire des bêtises ou des mauvaises paroles avec ta bouche. Hein? Donc, ça, c'est des exemples. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Il donne des exemples comme ça dans son livre, dans certains de ses livres. Donc, il t'explique ça, tu vois. Et donc, il faut que tu protèges ça, ton cœur. Parce que le cœur, c'est faible, c'est sensible. Hein? Donc, il faut faire des efforts pour ça. Après, le cheikh il dit, « فَهَذَا حَيْثُ حَدِيثٌ جَامِعٌ لِخِصَالِ الْخَيْرِ وَمُحَذِّرٌ مِنْ خِصَالِ الشَّرِ وهو منهج عظيم للمسلم يسير عليه في حياته ويفكر في نجاته والحمد لله أن جعل لنا مجالا واسعا لفعل الخير وإذا قارف العبد ذنبا جعل الله له مجالا واسعا للتوبة ولم يعاجله بالعقوبة وإنما أمهله وأعطاه المهلة والقدرة فلينظر العبد إلى نفسه هل يهلكها أو ينقذها بأفعاله وتصرفاته. Le Cheikh dit, ça c'est un grand hadith. Il réunit plein de bonnes caractéristiques du bien. Et il avertit contre des choses du mal. Alors c'est une grande voie que le musulman doit emprunter et appliquer dans sa vie. Et il doit réfléchir à qu'est-ce qui va l'amener à se sauver lui-même et à son salut. Alhamdulillah que Allah, il nous a donné beaucoup d'opportunités, beaucoup de domaines dans lesquels on peut faire du bien. Hein, c'est très vaste, le bien qu'on peut faire. Hein, c'est pas limité. Hein, et non seulement ça, mais lorsqu'on fait un péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné également une possibilité en plus, une grande possibilité pour la repentance, hein, pour se demander pardon. Il n'a pas précipité le châtiment tout de suite, il le laisse un petit peu, hein, il nous laisse un peu de temps. Non. Oui, les anges, quand on fait un péché, ils n'écrivent pas. Et comme j'avais lu ça une fois, que les anges, ils n'écrivent pas tout de suite le péché que tu fais, ils attendent pour voir si tu vas demander pardon, si tu vas te repentir, hein, et des choses comme ça. Tandis que la bonne action, il l'écrit tout de suite, hein, c'est pas pareil. Donc, c'est pour dire que tu as un délai, Allah ne te châte pas, et automatique, t'imagines, chaque fois que tu fais un péché, tout de suite un châtiment qui arrive sur toi, à chaque coup, hein. C'est comme si quand tu fais un péché, tu reçois un choc électrique. Hein? Non, c'est pas comme ça. Hein? Hein? Ben ouais, là, les gens, ils sauraient tout de suite, ah, lui, il a un choc électrique, il a fait un péché. Non, c'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous laisse un délai. Hein? Pour qu'on puisse se repentir, pour qu'on puisse réfléchir. Exactement. Donc là, le cheikh, il nous laisse un délai pour réfléchir, hein, et pour qu'on regarde nous-mêmes, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire périr notre âme? On va la sauver avec nos œuvres et avec notre comportement, dans la façon qu'on agit. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis, Inch'Allah, on continuera la suite du hadith, ou bien le prochain hadith, qui est un grand, et un grand, grand, grand hadith, vraiment, azim, exactement, barakallahu fik. Donc, c'est ça, là, c'est, oui, non, il dit ça, un hadith azim. C'est vrai, mashallah. Parce que ce sont tous des grands hadiths, en fait. Mais celui-là, c'est vraiment un grand hadith. Premièrement, c'est un hadith Qudsi. Hadith, c'est Allah qui parle. Et puis, en plus de ça, il y a des significations dedans qui sont tellement immenses. Et c'est tellement grand, donc vous allez voir. Puis, à la fin du hadith, à la fin du charh, il y a même une explication. Le cheikh, il dit qu'il y a certains parmi les ulama, quand il mentionnait ce hadith-là, il se mettait à genoux. Il se mettait à genoux. Tellement c'est un hadith qui est immense en. Oui, je sais pas s'il tombait sans connaissance ou bien il tombait à genoux. Tombait à genoux. Ou quelque chose comme ça. En tout cas, on va y revenir. Oui, c'est ça. C'est Abu Idris al-Khawlani. Jaffa ala rukbatay. Tombait sur ses deux genoux. Quand il lisait ce hadith-là. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.